paix, plastique en silicium et en carbone. C'est parler comme nous, n'a pas peur de tout. Ton paix est une vraie plastique en silicium et en carbone. Elle s'est protégée, m'encourager et casser la gueule à ceux qui font chier. Ma copine est une poupée plastique en silicium et en carbone. Elle est toujours d'attaque, elle n'a pas besoin de la recharger. Elle est infectueuse, elle fait l'amour comme jamais. Ma copine est une poupée plastique en silicium et en carbone. Je l'ai quand j'entends.